Je veux ci, je veux ça. Je veux ci, je veux ça. Je veux ça. Just listen to the song for just for one moment. Je veux ci, je veux ça. Je veux ci, je veux ça. C'est comment le refrain? Thank you. j'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis juste pour plaire, j'ai tout ce que j'ai le monde à mes pieds, c'est fou, cool, j'ai tout ce que j'ai à voir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Thank you. c'est bon. Yeah.